D'après le journal d'Internet sud-coréen Tongilus, le comité sud pour l'application de la déclaration commune du 15 juin et sa direction de presse ont publié respectivement le 24 une déclaration pour condamner la répression fasciste injuste des autorités contre Lee Chang-bo, président des délégués permanents du comité. Par ailleurs, le comité d'outre-mer pour l'application de la déclaration commune du 15 juin a publié le 25 courant une déclaration contre la répression des autorités sud-coréennes.